Pour tout savoir chez les castors d'Audelbeau, écoutez la chronique de l'instructeur-chef Daniel Tremblay dans la section entrevue de danresosport.com tous les jeudis.